Chapitre 19e. Adieu. Lorsque Marcia souleva ses pesantes paupières et revint de son subit évanouissement, elle se trouva assise dans le vieux fauteuil mangé par les vers, ayant une porte ouverte devant elle, qui laissait entrer un air humide, meilleur pour la rappeler à elle que toute l'autre Cologne, dont une infatigable Abigail puisse jamais asperger sa maîtresse tombée en pâmoison. Tout d'abord, l'air frais n'amena rien qu'un sentiment de soulagement, à une espèce de suffocation. Puis revint la conscience des choses extérieures. Elle entendit le bruissement des feuilles et les trépignements d'un cheval rongeant son frein à la porte du jardin, et elle sut ainsi que la voiture était arrivée. Enfin lui revint, avec une amertume inexprimable, le souvenir de ce qui l'avait fait évanouir et de ce qui lui était arrivé avant qu'elle ne tombât en syncope. « Oh mon Dieu !» pensait-elle dans son désespoir. « J'ai eu bien peu de joie dans ma vie, mais je n'ai jamais souffert comme je l'ai fait aujourd'hui. » Pour le moment, elle n'essaya point de remuer, mais elle restait assise, les paupières baissées et les yeux fixés sur le sol avec un air presque stupide. Elle sentait un étrange éloignement pour le mouvement pour apprendre sa vie brisée, si elle avait pu mourir dans ce moment. « Je suis si peu utile dans le monde, personne ne m'aime, personne n'a besoin de moi, » pensait-elle tristement. « Ma vie n'est qu'une longue pénitence. Quelle faute ai-je donc commise dans mon enfance pour que je souffre tant maintenant que je suis femme, et que je souffre au point de souhaiter mourir ?» Elle fut tirée de son entière prostration par la voix de celui qu'elle aimait. Elle la frappa aussi fortement qu'un coup de fouet, et elle regarda Pensefort en revenant tout à coup à la vie. « J'ai besoin que vous me disiez que vous me pardonnez. » commença-t-il d'une voix basse et triste, « puis je serai fort pour vous dire adieu pour toujours. » Elle ne lui répondit pas immédiatement, mais après une pause, elle dit « Comprenez-vous combien vous m'avez humilié profondément ? Je ne vous ai point humilié. Il ne peut y avoir d'humiliation pour des natures telles que la vôtre. Vous avez dit les plus nobles paroles qu'une femme ait jamais prononcées. Malheureusement, vous les avez dites à un homme qui n'a nul droit à les entendre. Le crime et la honte le poursuivent. Je sais maintenant que c'est la plus vile lâcheté qui m'a porté à garder mon secret. Mais ô Marcia, comment pouvais-je penser que vous vous abaisseriez à m'aimer? Comment pouvais-je croire que votre tendre compassion pour une vie perdue pourrait devenir un sentiment plus fort et plus sain que la compassion? Et même maintenant que vos lèvres me l'ont dit, peut-être suis-je tout à fait sûr que le sentiment qu'ils inspiraient n'est pas la généreuse pitié, le noble cœur, l'abnégation d'une femme qui offre son plus riche trésor à un malheureux. Quoi ? Vous pouvez m'aimer, moi ? Oh mon Dieu ! Cela ne peut être vrai. Cela ressemble trop à un rêve. » Marcia ne répondit rien à cet élan passionné, mais après une pause, elle dit tranquillement « Voulez-vous me conduire à la voiture, Monsieur Pensefort ? Il faut encore que je vous donne ce nom. Papa s'inquiétera de moi, peut-être, et je suis prête à partir. » Elle se leva. Et le locataire de Sir Gaspard posa sa main sur son bras. « Par pitié, pardonnez-moi, » dit-il. « Je quitterai ce lieu au point du jour, pour aller à l'autre bout du monde, peut-être. Je ne puis pas partir sans votre pardon. Je ne le puis pas. Je ne le puis pas. Croyez que je suis un bon chrétien, si je ne me suis pas tué ce soir. J'ai trop souffert ces derniers temps. Oui, Marcia, il y a des fardeaux qui sont trop lourds. Dites que vous me pardonnez, et laissez-moi partir pour de lointaines solitudes, au-delà des mers, où nul de ceux qui sont intéressés à ma mort ne puisse me poursuivre, et où, si je deviens fou, personne ne pourra me mettre dans une maison d'aliénés. Marcia, pardonnez-moi. » Il tomba à ses genoux. Sa violence passionnée, le désespoir qui était si près de se changer en folie, éveilla tout ce qu'il y avait de plus compatissant dans la nature féminine de Marcia. Elle se pencha sur la figure bronzée qui était levée vers elle, décomposée et bouleversée par l'angoisse de la passion qui avait dépassé toutes les bornes de la raison. Elle posa doucement sa main sur son front brûlant et sépara ses cheveux en désordre aussi tendrement que jamais les mains d'une mère prirent soin de ceux d'un enfant malade. « Vous pardonnez ? » murmura-t-elle. « Je n'ai rien à pardonner. C'est un faux orgueil qui m'a tant révoltée. Il ne peut être question d'humiliation entre vous et moi. Nous sommes tous les deux trop malheureux. Donnez-moi votre main et disons-nous adieu. » Adieu, Marcia, mon brillant idéal de la femme, adieu. Il se releva et lui offrit la main. L'orage s'était apaisé au dehors, l'orage s'était calmé au dedans. George était redevenu lui-même, grave et sombre, n'ayant qu'un tranquille chagrin sur la figure. vous porterez bravement votre fardeau, dit Marcia, comme si elle l'interrogeait. Oui, je sais que vous le ferez. Vous êtes trop bon chrétien pour penser souvent comme vous l'avez fait aujourd'hui. Ah, croyez-moi, il n'y a pas de fardeau trop lourd. La bonté divine nous en mesure le poids, et nous n'avons qu'à être patients. Promettez-moi que vous essaierez de supporter vos chagrins comme un chrétien. Par amour pour vous, Marcia. Demandez-moi n'importe quoi pour vous, et cette tâche sera l'affaire de ma vie. Il n'y a pas de différence entre l'amour et le fanatisme. Vous essaierez d'être bon chrétien pour l'amour de moi, oui, Marcia, comme j'espère être sauvé par votre amour. Il n'y a rien désormais dans le monde pour moi, il n'y a que vous et mon amour pour vous. Je veux être un bon chrétien pour vous plaire, et mon premier sacrifice doit être de vous dire adieu. Adieu. Je prierai pour vous, chaque soir et chaque matin, comme je prierai pour un frère, si j'en avais un. Encore un mot, Marcia. Vous ne m'avez rien demandé de ma vie passée, et si vous l'eussiez fait, j'ai peine à croire que j'aurais pu me décider à raconter cette honteuse histoire en votre présence. Cependant, je désire que vous la connaissiez. J'ai passé mon existence à fuir ce qu'on appelait la sympathie, mais j'aimerais obtenir votre pitié. J'écrirai mon histoire, Marcia. Consentirez-vous à la lire? Oui, encore une fois, adieu. Ils étaient sur le seuil, comme Marcia parlait, et au moment où elle allait le franchir, un soudain rayon de brillant soleil parut sur le bord d'un nuage et se réfléchit sur sa figure comme elle se retournait vers le locataire de son père. George laissa échapper un cri de triomphe. « Voyez, Marcia, exclama-t-il, le soleil brille sur nous. Jusqu'ici, je n'ai jamais été superstitieux, mais aujourd'hui, je sens quelque chose qui m'invite à l'espérance. J'accepte cet augure, Marcia. Cette séparation ne sera pas éternelle. » Elle ne lui répondit pas. Son chagrin calme n'avait nulle ressemblance avec sa fiévreuse exaltation d'esprit. Il n'était pas sujet à ces transitions subites de crainte et d'espérance. Il lui semblait seulement que le triste horizon de sa vie s'était entrouvert un instant pour lui laisser apercevoir un coin d'un ciel impossible et qu'il s'était refermé pour toujours. Déjà, elle s'était résignée à la pensée que George ne pourrait jamais être plus pour elle que ce qu'il avait été pendant ces derniers mois. Et il lui semblait qu'il avait été beaucoup pour elle, car il avait été, et il serait toujours, la seule créature à laquelle elle avait été chère. Le seul être qui jamais été affecté par ses joies ou ses chagrins, son unique ami, son seul amant, une image qui ne s'effacerait jamais de son cœur. George fit monter sa visiteuse dans sa voiture. Le soleil brillait dans tout son éclat, magnifique sur le vert foncé des feuilles mouillées et sur la tendre couleur d'émeraude des fougères, surnaturellement beau sur les vitres des croisées de l'ermitage et sur la surface brillante de l'étang. C'est par ce beau soleil et par ce calme du ciel et de la terre qui avait succédé à cet ouragan d'été que le locataire de Sir Gaspard et la fille de Sir Gaspard se séparèrent. Ce ne fut que le lendemain matin que Marcia reçut un paquet qui avait été laissé aux soins de Madame Thursgood lorsque Ponsford et son domestique avaient quitté l'ermitage. C'était un grand ballot contenant quelques vieux livres rares que Mademoiselle Denison avait une fois exprimé le désir de posséder et son arrivée n'excita aucune attention particulière. Mais, caché parmi les volumes richement reliés, il y avait un paquet dans une grande enveloppe adressée à Marcia et signé avec les initiales de George Pounceford ou plutôt celle de Godfrey Pierpoint. Mademoiselle Denison ouvrit le ballot tard dans la soirée dans sa chambre et le premier foire rayon du jour la trouva lisant encore la lettre de Pounceford.